Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'héritage de Mao en Chine. Ils ont la souplesse de s'adapter au temps actuel. Ils sont aperçus que certaines de ces expériences menaient dans une fausse direction. Alors ils changent, ils donnent un coup de barre. Je pense que c'est caractéristique des Chinois qui ne sont pas embrigadés dans une doctrine, mais qui cherchent à s'adapter à la réalité, à trouver des vraies solutions à des problèmes nouveaux. Ils s'éloignent de lui, ils citent maintenant Confucius, ce qui autrefois était mal vu. Je trouve ce pragmatisme admirable. L'ancien premier ministre canadien Pierre-Elliott Trudeau, de passage en Chine 10 ans après la mort de Mao, c'est le 9 septembre 1976 que meurt Mao. Comment évoluera sa figure au fil du temps? Que reste-t-il du camarade Mao dans cette Chine économiquement capitaliste d'aujourd'hui? Où en est la Chine d'aujourd'hui face à Mao? Jean-Luc Domenac, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur, je le rappelle, directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po à Paris, auteur de nombreux livres sur la Chine. Votre plus récent, ça remonte à 2012, Mao, sa cour et ses complots derrière les murs rouges. Jean-Luc Domenac, elle en est où, cette Chine d'aujourd'hui, face à Mao? Le régime et les Chinois? Commençons par les Chinois. Eh bien, je crois que l'ancien premier ministre canadien Trudeau, M. Trudeau, dit bien les choses. Depuis toujours, les Chinois ont été gouvernés par des régimes, on va dire, durs, et ils étaient contraints pour survivre et respirer, d'être, eux, plus mous, plus souples, et de chercher un petit peu les anfractuosités où la vraie vie pouvait se nicher. Mais pour la Chine d'aujourd'hui, encore une fois pour la population, parce qu'on viendra au régime dans un instant, qu'est-ce qu'on garde de Mao en fait? Très sincèrement, à part des discours, pas grand-chose. Pas grand-chose. La figure révolutionnaire, à tout le moins, j'imagine, même pas. C'est un discours, tout ça. Ouais. C'est un discours. Ce sont les statuts du parti. C'est une forme de dogme, disons, qu'on répète en pensant à autre chose et parfois même en regardant ailleurs. Véritablement, la Chine a politiquement complètement changé. D'ailleurs, les hommes d'affaires sont en général des hauts fonctionnaires du Parti communiste, etc., etc. La vérité, c'est que les Chinois sont capables de vivre comme ça sur deux niveaux. Je sais qu'en France, ça serait pas possible. Voilà, on préfère se disputer parce que, étant incapable de vivre sur deux niveaux, on se dit, évidemment, on est en désaccord sur tout. Tandis que les Chinois, eux, bah, ma foi, ils disent des choses et puis ils font le reste et la vérité et qu'ils font ce qui est un peu ce qu'ils veulent. Et actuellement, et progressivement, alors, après la mort de Mao Tse-Tung, bah, il y a eu l'apparition d'un nouveau communisme productiviste, puis d'un communisme productiviste et un peu harmonisé avec le capitalisme, et puis maintenant un premier ministre dont la famille a environ quelques 500 millions de dollars à côté, quoi. Donc voilà. Donc une espèce double niveau. Voilà. Cette espèce d'histoire officielle, de grands discours, le père fondateur, mais au fond qui n'a plus rien à voir avec la Chine absolument aujourd'hui. Et les Chinois savent bien vivre dans ces conditions-là. Ouais. Ils savent bien vivre comme ça. Le régime, il en fait quoi de Mao, officiellement? Oh, ben, il est officiellement célébré, mais comme par hasard, on n'a pas le temps à la fin de la journée de rendre visite au tombeau. Ouais. C'est fou le nombre de groupes touristiques qui vous disent « Ah ben, c'était prévu, puis finalement, on n'a pas eu le temps ». Vous voyez, ça, c'est typique, véritablement. Ouais. Et on va dire que Confucius est beaucoup plus célébré aujourd'hui que Mao Tse-Tung. Mais la politique reste quand même officiellement dirigée par le dogme et ça reste c'est les baratins du début. Ouais. À l'école chinoise, il en reste quoi dans les manuels scolaires? Eh bien, il y a les 3 premières pages d'un manuel scolaire, d'un manuel d'histoire. C'est tout. Il y a les 3 premières pages et puis 1 ou 2 à la fin. Voilà, c'est tout. Et donc, mais en même temps, c'est du dogme. Et donc, il faut se tenir, vous et moi, en visite là-bas, on doit faire attention à ce qu'on dit. Voilà, il ne faut pas en dire du mal, mais il vaut mieux pas en parler du tout. à la vérité. Simple. Hein? Voilà. Moins compliqué, plus simple. C'est moins compliqué. L'image de Mao va évoluer au fil du temps depuis sa mort en 76. Ce que je vous propose, ce que je propose à nos auditeurs, Jean-Luc Domenac, c'est de faire ce voyage à travers le temps au cours de cette émission. Première étape, on va faire des bons, vous allez voir, à coup de 10 ans à la fois à peu près. Première étape, donc la mort. La mort de Mao, le 9 décembre 1976. À nouveau, les commentaires du premier ministre canadien de l'époque, Pierre-Éliott Trudeau, à la mort de Mao. À mon avis, Mao Tse-tung était un des géants du 20e siècle, un grand leader, un leader qui, dans un pays qui était divisé, qui se battait entre lui-même dans des guerres civiles, des guerres féodales, un pays qui était sans cesse en proie aux grandes famines, aux grandes inondations. C'est un homme qui a organisé ce pays de 700 ou 800 millions d'habitants. Qui lui a donné une structure, qui lui a donné une orientation, qui lui a donné une direction, qui fait que maintenant ce pays est un pays stable, un pays en toute apparence uni. Pierre-Éliott Trudeau, premier ministre canadien à l'époque, à la mort de Mao en 1976. Est-ce qu'il est représentatif, Jean-Luc Domenac? On est en 76, là. Mao meurt. Les commentaires que feront, par exemple, les leaders occidentaux, ça ressemble à ça? C'est ça qu'on veut garder? C'est un petit peu sur ce thème-là que les leaders occidentaux s'exprimeront à propos de Mao Tse-tung. Et pour ne pas faire d'histoire avec la Chine, ils ont tenu un discours que certains d'entre eux, certains des leaders occidentaux, ne croyaient pas à la vérité. Et certains qui étaient plus intelligents, et là, Pierre-Éliott Trudeau, à mon avis, se trompe, s'il le croit. Et je doute qu'il le croit complètement. La vérité, c'est qu'il y a deux Mao, si vous voulez. Et il y a un Mao qui est extraordinaire, c'est celui qui a pris le pouvoir. Là, il y a rien à faire. Oui. Et puis, il y a un Mao catastrophique, c'est celui qui l'a exercé. C'est ça, qu'il a tout raté. Ça a été l'échec économique, la famine, et ça a été ensuite l'échec politique, la révolution culturelle. Voilà un petit peu la vérité. Parce que le Mao qui prend le pouvoir, effectivement, il libère la Chine de la dépendance de ce pays face à des pays étrangers. Et tout ça, ça a démarré avec 11 membres du Parti communiste au début, quelques milliers ensuite, et jusqu'en 1947-48, deux ans avant la prise du pouvoir, les troupes du nationaliste étaient 3 à 4 fois plus nombreuses que les troupes communistes. Simplement, Mao, Lin Piao, Deng Xiaoping, Zhou Enlai, etc., étaient des gens mais extraordinaires. Voilà la vérité. Mais autant ils ont été merveilleux pour prendre le pouvoir, autant pour l'exercer, ça a été une autre histoire. On est toujours en 1976. Ouais. Il vient de mourir, Mao. Les Chinois, comment ils réagissent à cette mort-là? Le peuple? Ah, écoutez, là, j'étais à Hong Kong et ensuite j'ai été à Pékin. Et ils ont eu peur, mais peur pour eux. Ils ont eu pleuré, mais ils ont pleuré pour eux. Parce qu'ils pensaient que ça serait encore pire. Les Chinois ont été éduqués par le passé à croire qu'il y a toujours pire, si vous voulez. Et donc, ils se sont dit, ça y est, ça va être encore pire que sous Mao. Et puis, petit à petit, ils se sont détendus. Et à ce moment-là, on a cessé de parler de Mao et on a vu Deng Xiaoping, on a regardé Deng Xiaoping. Et à partir, disons, de la fin des années 70, tout le monde dit que ça va beaucoup mieux qu'avant. Alors, on fait un premier bond de 10 ans dans le temps. On écoute un extrait d'un reportage de Jean-François Lépine qui parle du déclin de la ville où est né Mao, qui était de son vivant un lieu de pèlerinage, des millions de visiteurs chaque année, et qui nous dit, Jean-François Lépine, dans cet extrait qui remonte à 1986, qui nous dit que cette ville est devenue pratiquement une ville fantôme. Chaque jour, un train quitte la gare de la petite ville de Shaoshan. Il ramène des dizaines de touristes venus ici visiter la maison natale de Mao. Autrefois, ils étaient des milliers à venir chaque jour, plus de 3 millions par année à la belle époque, quand c'était un honneur pour un Chinois d'être envoyé ici en pèlerinage par son entreprise ou son unité de travail après s'être distingué pour son comportement révolutionnaire. Mais la gare de Shaoshan, avec ses 4 quais et ses 8 voies ferrées aujourd'hui, n'est plus qu'un souvenir du passé. Shaoshan est devenue une sorte de ville fantôme. Les Chinois ont abandonné le culte de Mao, et même la propagande du gouvernement n'accorde plus autant de crédit au grand timonier. Mao a fait des erreurs, raconte Wang Xiaoping, un jeune guide touristique à Shaoshan, qui répète le nouveau message officiel. Mao a libéré le pays, certes, mais il s'est laissé entraîner dans les excès de la révolution culturelle sous l'influence de la fameuse bande des 4. Mao a fait beaucoup pour la Chine. Il a réunifié le pays et donné un idéal aux Chinois. Il a éduqué le peuple et amené le pays à ne compter que sur lui-même. Mais 10 ans après sa mort, les Chinois ont déjà abandonné les grands idéaux communistes de Mao. Et personne ne souhaite revivre les années où le grand timonier dirigeait les destinées de la Chine. Si rapidement, Jean-Luc Domenac, 86, on est à 10 ans de la mort de Mao, on tourne le dos au grand timonier. C'est une époque que je connais bien parce que j'ai parcouru la Chine à bicyclette, à pied, j'ai même été mis en prison, enfin, il m'est arrivé tout un tas d'histoires. On a voulu me marier. Des paysans, ils m'offraient une femme qui valait 100 moutons. Et ils ne comprenaient pas que je refuse une femme de 100 moutons, si vous voulez. Enfin, etc. Ouais. Donc je connais bien. Et c'est vrai qu'ils se sont mis très, très vite, non pas à critiquer Mao, on l'a dit tout à l'heure, mais ils se sont mis très très vite à penser à autre chose, c'est-à-dire à gagner de l'argent. Écoutez, je fais connaissance, moi, c'est un reportage de 1986, bien, en 1985, j'étais sur le bord des routes dans la province de Mao, et je rencontre un réparateur de vélo. Ouais. Bien, je le revois en 1987, il était devenu réparateur de mobilettes. Et je suis allé, il y a une dizaine d'années, chez lui, il avait un énorme garage, et il pensait à commencer à faire du tourisme et aller en Occident. C'est ça le vrai changement, si vous voulez. Et aparté, mais je n'y suis allé qu'une fois, mais ils sont complètement, les Chinois d'aujourd'hui, omnibulés, vous me direz, les Occidentaux aussi, mais par la voiture. Demande, qu'est-ce que vous... Dans un taxi, on me dit, qu'est-ce que vous conduisez au Canada? Bien sûr. Elle vaut combien, cette voiture? Bien sûr. Et à tel point, d'ailleurs, que j'ai... Pour moi, c'était vraiment un parcours difficile parce qu'ils méprisent complètement les voitures françaises. Il y a les voitures allemandes et quelques voitures américaines et puis c'est tout. Quoi. Ouais. Ouais. Ce qui est marrant aussi dans l'extrait qu'on vient d'entendre, vous en parliez avant qu'on entende cet extrait, le guide. Hein. Jean-François Lépine nous dit, au fond, le guide touristique, qui ne fait probablement de tout temps que répéter le message que le régime veut qu'on répète. Finalement. Absolument. Et j'ai eu quelques anecdotes amusantes à ce propos. Parce que j'avais comme ça un guide qui était quand même, qui n'était plus maoïste, mais qui n'était pas très sympa, etc. Et qui critiquait beaucoup Hong Kong, tout ça, les pays capitalistes. Et puis je revais à Hong Kong, et puis 2 ans après, je le trouve dans la rue à Hong Kong. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je me suis taillé à la nage. Voilà. Et c'était comme ça. Vous parlez de maoïsme, c'est intéressant. En 97, Raymond Saint-Pierre qui nous présente un reportage. On verra dans un instant, je suis très très curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce une espèce d'accident de parcours? En tout cas, écoutons le reportage de Raymond Saint-Pierre, petit village qui veut revenir aux sources du maoïsme. Chaque matin, les 3400 résidents du village s'éveillent au son assourdissant des haut-parleurs qui jouent l'Esté Rouge, un des nombreux hymnes communistes qu'ils entendront tout au long de la journée. Tout ici recrée la Chine de Mao d'il y a plus de 20 ans. Dans cette commune ouvrière, les enfants apprennent très tôt à vénérer Mao et le Parti communiste. La directrice de l'école affirme fièrement que chaque résident a droit gratuitement aux œuvres complètes de Mao. Chaque famille a aussi droit à un appartement. Tous les appartements sont identiques et tout est gratuit. Télévision, réfrigérateur, téléphone et même nourriture. Celui qui a planifié ce retour au maoïsme, c'est Wang Hongbin, le chef du Parti communiste local. Monsieur Wang veut démontrer que le maoïsme fonctionne et qu'il est bon pour les affaires puisqu'il garde les coûts de la main-d'œuvre très bas. C'est une idée qu'il aura du mal à vendre aux millions de Chinois qui sont lancés en affaires à leur propre compte pour leur propre profit depuis les réformes économiques de Deng Xiaoping. Le village attire l'attention. Des douzaines d'entreprises, comme cette usine de nouilles instantanées, se sont installées ici. Nanjie a réalisé des profits de 100 millions de dollars l'an dernier. Les travailleurs achèvent leur journée de travail en chantant des airs communistes. Ils ne gagnent que de 15 à 40 dollars par mois. Mais 10 000 travailleurs ont quand même été attirés ici dans l'espoir de trouver un emploi stable dans cette partie très pauvre du pays. Wang croit que ces gens sont motivés non pas par l'argent, mais bien par le maoïsme et le zèle révolutionnaire. Raymond Saint-Pierre à Nanjie. Alors, à quoi correspond l'histoire de ce village, Jean-Luc Domenac, au milieu des années 90? Est-ce qu'il y a un retour au maoïsme en Chine ou si c'est... Pas du tout. Non. J'y ai été, Je le connais. Alors, c'est un village qui est situé dans une zone très pauvre, que le régime et les changements économiques récents, qui sont réels, n'ont pas permis vraiment d'enrichir. Et il y a un petit malin qui a trouvé une combine touristique. C'est comme ça. Ouais. Et ce sont les visiteurs qui, par leurs oboles, financent finance, disons, et le fonctionnement que j'ai visité là aussi, des usines, ouais. Et aussi les magasins touristiques, etc., les routes, etc., etc. C'est une bonne combine organisée par un petit malin. Ouais. Et ça fait de bons reportages. Hein. Souvent, les trucs qu'attirent les touristes, je ne sais pas pourquoi attirent les journalistes. Oui, mais c'est pas pourquoi pas, après tout. Simplement, c'est l'interprétation à laquelle il faut prendre garde. Ouais. Il faut dire, les Chinois sont toujours aussi malins. C'est ouais. tout. Voilà. Ouais, ouais, ouais. De fait, on se demande, quand on est dans ce pays, comment ils ont... Ils sont tellement commerçants aussi. Mais voilà. Tout se négocie. Comment ils ont pu vivre pendant quelques décennies à ne plus faire ou à peu près plus faire commerce. Vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'ils ont depuis des siècles et des siècles acquis la capacité de rester eux-mêmes sous le parapluie très lointain d'un pouvoir que tantôt on aime, tantôt on n'aime pas, mais qu'en tout cas, on préfère ne pas obéir complètement. Ouais. Extrait, le dernier qu'on entend ensemble aujourd'hui. Un autre bond, encore d'à peu près 10 ans. On est en 2006. Reportage de Michel Cormier. Mao, donc, en 2006, qui est mort depuis 30 ans. Li Liuju vend des souvenirs de Mao dans ce marché de Pékin. Cet anniversaire me laisse indifférent, dit-il. Ça ne sera ni bon ni mauvais pour les affaires. Mais la façon dont se souviennent les Chinois pourrait bien changer. Les nouveaux manuels scolaires parlent peu de Mao et de son projet communiste. Un signe que le pays passe à autre chose. Pour des gens comme Sidney Rittenberg, un Américain qui a servi de traducteur à Mao avant d'aboutir dans ses prisons, c'est une erreur d'éclipser ses réalisations, bonnes et mauvaises. Et en particulier la révolution culturelle des années 60, au cours de laquelle tant d'intellectuels ont été persécutés. Aujourd'hui, à 85 ans, Sidney Rittenberg n'en veut pas à Mao. Mais la Chine, dit-il, n'avancera pas tant qu'elle n'aura pas fait l'examen objectif du règne de Mao. La Chine n'avancera pas tant qu'elle n'aura pas fait l'examen objectif du règne de Mao. L'a-t-elle fait, Jean-Luc Domenech? Elle l'a pas fait, et je suis pas certain qu'elle ait complètement tort, parce que je comprends, c'est tellement douloureux. Tout le monde, personne ne s'est montré très brillant. Hein. Les intellectuels ont été serviles, les hommes d'affaires ont obéi, etc., etc. Et le peuple, lui, a obéi plus ou moins, disons. Et il y a des moments, je crois, dans l'histoire ou dans le comportement des humains, qu'il vaut mieux avancer. Puis ensuite, plus tard, les intellos viendront. J'ai eu du mal quand j'avais 40 ans, que j'étais plus jeune. Maintenant, j'en ai 70. Quand j'avais 40 ans, je pensais oui que il fallait absolument qu'ils fassent leur autocritique et tout. Maintenant, je mesure, disons, l'ampleur des erreurs qu'ils ont faites, de la lâcheté des uns et des autres. Vous savez, et maintenant aussi, je pardonne plus la France pendant l'occupation, etc. Il y a des choses qui sont trop douloureuses pour qu'on y réfléchisse trop tôt. Voilà. C'est quand même fascinant d'entendre ça de la bouche d'un historien, de quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire. Pour ce qui me concerne, je fournis tous les documents possibles pour tous ceux qui veulent réfléchir. Mais je comprends que beaucoup de Chinois, ils ont quand même pas été très très malins, si vous voulez. Ils ont pas été très très courageux. Ils n'ont pas été très très brillants dans tout ça. Et ils ont plus important à faire maintenant que de regarder en arrière. Si en plus ils peuvent regarder en arrière, tant mieux. Mais surtout, qu'ils fassent une bonne politique économique aujourd'hui. C'est ce que je leur souhaite. Ça, c'est le point important. Qu'est-ce qui reste par ailleurs? Reste-t-il quelque chose de Mao, de la mécanique du régime sous Mao, je pense à la censure, par exemple. Oui, il reste le mensonge, bien sûr, il reste beaucoup de choses. Du régime de Mao ou de Liu Shaoqi, même des compagnons de Deng Xiaoping, qui étaient des compagnons plus modérés, disons. Il reste le mensonge, il reste la brutalité, il reste les erreurs économiques, il reste la cupidité. Il y a encore beaucoup de choses dont les Chinois pourraient bien s'occuper plutôt que de... L'armée. Battre le couple. L'armée, il y a quelques... Souvent dans les armées, on trouve des gens raisonnables qui mesurent la vérité des choses. Moi, j'ai passé une nuit dans un train avec un général de l'armée chinoise. Il m'a dit, vous savez, on fait les malins, hein, mais s'il y a un incident militaire avec les Américains, on fait pas le poids. On fait pas le poids. Les militaires, je suis un petit peu plus prudent dans l'appréciation des militaires chinois. Moi, ce que je souhaite vraiment... c'est que les Chinois, tant mieux, fassent leur autocritique s'ils le peuvent, mais franchement, que surtout, ils fassent pas de bêtises. Ouais. C'est ça. La campagne chinoise, quelle place elle... Parce que ça, c'était central pour toute la paysannerie. Hein. Le maoïsme, c'était... Le paysan était au cœur de la révolution par rapport à l'ouvrier quand on parle de Marx. Est-ce que ça... Parce qu'ils sont encore très, très nombreux, les Chinois, à vivre à la campagne. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Non, ben voilà, la question est bonne. Voilà l'un des vrais problèmes sur lesquels je souhaite que les Chinois ne se trompent pas. Hein. Le grand mouvement... actuellement qui se produit en Chine, c'est la déruralisation. Il y avait encore 10 ans, il y avait 60% de paysans, il n'y en a plus que 45%. Ça va à toute allure. Ouais. Toute la Chine s'urbanise et la campagne va être complètement changée. Et alors, tenez-vous bien, elle va être séparée en trois parties. Ça va être extraordinaire. Un, une partie où il n'y aura rien du tout pour que la nature respire. Rien, rien, rien. Deux, une partie réservée au tourisme. Et trois, à des grandes exploitations occupant avec beaucoup de mécanique et peu de travailleurs. Ça va être une autre Chine. Vous vous rendez compte du changement? La Chine a toujours été un pays de lettrés d'une part, de mandarins et de paysans, et elle va devenir une Chine de citadins et d'hommes d'affaires. Et c'est dangereux, ça, non, économiquement, socialement. Et voilà, là, on touche des dangers, là. Hein? Parce que la Chine, actuellement, la Chine des campagnes, celle que j'ai vue, moi, en 2006 à peu près, c'est fascinant, ce pays-là. Et la modernité, évidemment, est en Chine, mais dans la campagne, il faut les occuper, on les occupe, et tout va bien pour l'instant. C'est en train de disparaître, parce qu'ils cultivent à l'ancienne. Il n'y a aucune raison. Je n'ai rien à ajouter à ce que vous venez de dire, c'est un vrai problème. La véritable façon de s'en sortir... c'est de faire une vraie société de consommation dans les villes, de faire une vraie société où chacun peut monter des affaires. J'allais dire un petit Canada, hein. Voilà, ouais. C'est ça le défi. Et pour l'instant, c'est pas joué. Ouais. Un petit mot sur Mao. Je lisais, est-ce que c'est du pipeau qui redevient pour la nouvelle gauche chinoise une espèce de figure emblématique? Oui, il y a des fous partout, mais ceux-là sont très minoritaires. Hein. Vraiment très, très, très minoritaires, parce que quand même, être maoïste dans un moment où on peut si facilement gagner beaucoup, beaucoup d'argent, et où tout est à vendre, il faut vraiment avoir un caractère assez spécial, et ils sont peu nombreux ceux qui l'ont. Jean-Luc Domenac, directeur de recherche à Sciences Po Paris, merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, le réalisateur d'Aujourd'hui l'Histoire, Caroline Morin et André Martineau qui sont à la recherche, recherche d'archives Mario Bolduc, site Internet Daniel Foucard et Mathieu Arsenault, à la technique Alex Leclerc. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, vous vous abonnez à notre balado-diffusion sur iTunes ou vous vous rendez sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.